Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui, un petit générique que vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est parce que c'est une émission spéciale. On est le 5e jeudi du mois et dans notre programme, il n'y a pas de 5e jeudi du mois. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des émissions spéciales. Il y a 3 5e jeudi du mois tout au long de l'année. Et aujourd'hui, vous connaissez peut-être un petit peu mon intéressement pour le jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Et pour ça, j'ai invité deux acteurs musicaux du Pays Basque. Et à trois, on va parler de jeux vidéo, mais surtout de son de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo. Et pour ça, j'ai d'abord Anissé Amestoy. Coucou Anissé. Oui. Ça va? Coucou. Oui, ça va très bien. Alors, toi, on va te présenter vite fait, tu es musicien. Ouais. Et tu es sound designer dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment vite fait ce que c'est le sound design? En gros, c'est la personne qui va s'occuper d'intégrer tous les sons, créer les sons et les intégrer au jeu. Donc, on parle de bruitage, mais aussi de musique, intégration musicale. Donc, pas forcément de composition musicale, mais d'intégrer la musique. Pas forcément, c'est surtout de s'occuper de l'interaction entre le gameplay et le son. Ok. À ma droite, j'ai Eki Lambert, qui est musicien, compositeur. Tu vas bien? Ça va, et toi? Eh bien, ça va fort bien. Tu es ici un petit peu, ton idée, à la base, on en avait parlé il y a quelques mois. Tu venais nous parler de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo, de Dark Souls en particulier. Est-ce que tu es un fan de Dark Souls? Je suis un fan de Dark Souls, oui, en effet. Surtout de sa musique, ou c'est vraiment le jeu entier qui te fascine? Alors, c'est plus le jeu, le gameplay, ça, l'univers aussi, dans sa globalité. Et en fait, c'est drôle, il y a sa musique aussi d'une part, mais je crois aussi son absence de musique à certains moments. Mm-hmm. En fait, il y a pas mal de silence. Ça rentre en compte aussi dans la musique, en fait. Il faut savoir. Voilà pour une petite présentation. Anissé, tu as déjà sorti un jeu de Pile Up avec ton propre studio, on va dire, tes amis. Ouais, avec un studio qu'on a créé après l'école avec des amis. Mais tu as aussi travaillé pour des grands jeux, des grands noms. Des grands jeux, ouais, des gros est-ce jeux. Est-ce que ouais. tu peux nous donner quelques noms histoire de te faire mousser un petit peu, quoi? Ouais, ok. j'ai bossé avec Ubisoft, du coup, à la fin de mes études. Et du coup, dans les grands jeux sur lesquels j'ai bossé, il y a Ghost Recon, Watch Dogs, des grosses licences, quoi. Voilà, pas vraiment des jeux très originaux, mais... <c'est>... Vas-y, non. mais voilà, c'était une bonne expérience. J'ai aussi bossé pas mal sur Mario et le Lapin Crétin. C'était un plus petit jeu pour Ubisoft, en tout cas, et très bonne expérience. Ouais. T'as pas eu du Assassin's Creed quelque part? Non, j'ai jamais participé à la production d'Assassin's Creed, malheureusement. Il me semblait une fake news encore. Ouais. Et qui toi, donc, tu composes, tu as aussi ton propre projet. Oui, c'est ça. Qui tu as sorti un album pour l'instant, il me semble. Pour l'instant, j'ai sorti un album, c'est ça. Et en préparation d'un second. Voilà. Il sortira en mars. On a le droit de le dire, c'est pas. Pas obligé de faire du montage. Non, c'est bon. Yes. Voilà, j'ai préparé quelques petites questions pour parler un peu de jeux vidéo. C'est plus ou moins une histoire de son et de la musique, surtout de la musique, parce que c'est quand même un peu plus simple à trouver des infos, tout ça, sur le jeu vidéo. Et puis voilà, ça va nous permettre aussi de discuter un petit peu de ce sujet-là. Et donc, toute première question, l'évidente, quel est le premier jeu vidéo, d'après vous, à proposer des sons? Ouh, des sons? Des sons. Tetris? Pas de la musique, c'était pas Tetris, c'était avant. Pac-Man. C'était pas Pac-Man, ça arrive. Hein. Tetris, c'est arrivé plus tard que ce qu'on croit. C'était Pong, exactement. Il me semble que Tetris, c'est milieu des années 80, peut-être fin 80. Pong, c'est 1972. Et il y avait un seul son. Ouais. C'était le son de la balle qui rebondit sur les raquettes. Ouais. Et c'était un LA-440. Ah ouais? Simple, efficace, voilà. Voilà. Pour les non-musiciens, le LA-440, c'est aujourd'hui la référence la plus, on va dire, la plus habituelle pour s'accorder en musique. Ouais. Ouais. Et donc, pour continuer, quelle machine a proposé de la musique pour la première fois? Quelle première console de salon, plutôt? Parce que quelle machine? Il y a eu beaucoup de... Avant les consoles de salon, il y a eu beaucoup d'arcades, beaucoup de machines d'arcade qui étaient en fait fabriquées pour un seul jeu vidéo. Donc là, c'était très très différent, il y en a eu quelques centaines. Mais quelle la première console de salon a proposé de la musique? Famicom? C'est ça, non? La Famicom, c'est là. C'est la NES ça. Japonaise. Ouais, la Nintendo, la première Nintendo. C'est exactement ça. Ouais. Première console de salon, c'était un Nintendo en 85-87 pour l'Europe, avec une piste de bruitage et une piste de musique. Incroyable. Donc ça veut dire qu'il y avait une d'un côté les bruitages, donc tous les Mario, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué, on m'a fait remarquer que dans Mario, vous savez, le petit bruit quand il rétrécit, ouais. En fait, c'était exactement le son de l'arrivée du stage, joué hyper rapidement. Ah oui, voilà. Ouais. Et souvent, j'ai l'impression, tu me diras, Nice, tu vas peut-être me connaître comment, mais souvent, ils faisaient ce genre de truc. C'est-à-dire qu'ils avaient quelques sons simples et qu'ils les combinaient, qu'ils accéléraient, qu'ils les retournaient, etc. Du bricolage pour gagner de la place. Gagner de la place dans la mémoire, du coup, c'est ça que tu veux dire? Ouais, enfin, je sais pas si ça faisait gagner de la place à l'époque. J'imagine que ça veut dire qu'il y a une seule piste MIDI à avoir et qu'ensuite on joue avec celle-là. Donc il n'y a plus qu'à changer les effets dessus. Après, ouais, possible. En tout cas, ça fait gagner du temps. Et... on bosse toujours comme ça, hein, encore. Hein, on fait toujours du bricolage, même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même de la place pour le coup. Oui, il y a de la place, mais. Mais voilà. La forme mais flemme, quoi. Ouais. En composition aussi, hein, on recycle des thèmes, différentes tonalités, machin. C'est ouais. Là, je me tournais peut-être vers toi, Anissé, parce que sur Nintendo, on entend aussi une des premières musiques adaptatives sur Super Mario. Est-ce que vous voyez de laquelle je parle? Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer vite fait ce que c'est une musique adaptative dans un jeu vidéo? Adaptative et interactive, tu veux dire qu'il évolue avec le gameplay, avec l'avancée du. Ouais, je pense que c'est ça. On est en 85 aussi, je crois. Sur quel Mario Sur le tout premier Mario. Ouais, et donc? Et donc, il y a une musique adaptative qui est extrêmement connue. Est-ce que vous imaginez... C'est quoi une musique adaptative? C'est-à-dire, pour moi, c'est une musique qui va s'adapter à un moment spécifique du gameplay. On fait quelque chose... L'invincibilité, avec l'étoile. Exactement. L'invincibilité, oui. L'étoile qui change. Je crois que la musique... Vitesse, exactement, il me semble que la musique accélère. Un petit peu quand on chope l'étoile. Donc ça veut dire que c'est pas intégré dans la composition, mais que c'est le joueur qui le déclenche à tel moment. Okay. Et donc ça va être peut-être un des premiers trucs qui va démarquer la musique de jeux vidéo de musique sur CD. Qu'elle peut être modifiée en temps réel. Ouais. Et donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur la musique adaptative pour toi, Anissé, ce que ça peut vouloir dire? Ben voilà, comme tu le dis, c'est dès l'origine des jeux vidéo, on l'a utilisé. Et en fait, c'est ça, c'est créer le lien entre le joueur et la musique en temps réel, quoi. Et donc, c'est les possibilités sont infinies. Ouais, j'imagine qu'au fur et à mesure des avancées technologiques et des possibilités du vidéo, ça va devenir une espèce d'enfer, quoi, presque. Ouais, donc, du coup, c'est vraiment lié au gameplay que tu vas devoir accompagner avec ta musique, quoi. Donc, c'est toujours penser gameplay pour la composition, puis du coup, la compo, après... Parce que tu nous parlais de Tetris tout à l'heure, mais souvent à cette époque-là, il n'y avait pas encore de vrais compositeurs de jeux vidéo. Ça a commencé plutôt dans ces années-là avec Super Mario. Avant, c'était déjà d'un côté il y avait des musiciens, d'un côté il y avait des programmeurs, et les uns ne savaient pas forcément faire ce que l'autre savait faire. Ouais. Mais du coup, souvent dans les vieux jeux vidéo, il me semble qu'il y avait beaucoup de reprises de musique classique. Mais Tetris, il me semble que c'est une vieille musique russe, genre de 1860, quelque chose comme ça, qui a été juste reprise pour Tetris. Et du coup que les compositeurs ont commencé à peu près au milieu des années 80 à arriver à savoir coder, quoi. Ouais. Parce que j'imagine que c'était un bordel à l'époque de pouvoir coder la musique. Ah oui, ça devait être c'est la technique, quoi. C'est vraiment que c'est mais finalement quand même dans Tetris il y a quand même du boulot de couches et d'harmonisation qui est assez c'est fou pour des peut-être pas des musiciens d'avoir fait ça ou bon, après il devait avoir après pour le coup Tetris il me semble que ça arrive plus tard. Je sais pas si vous avez vu un film Tetris qui est sorti sur l'histoire du mec qui a ramené Tetris chez Nintendo. Je sais plus sur quelle plateforme c'était. C'était avec Taron Egerton, si je dis pas de bêtises, un acteur anglais. Et en fait, il raconte comment un distributeur de jeux vidéo trouve Tetris, se dit ça va faire un carton sur Game Boy, va le présenter à Nintendo qui adore. Le problème, c'est que le créateur de Tetris, c'est un russe en 1982, comme ça, donc sous l'URSS, et que donc les droits de Tetris appartiennent à l'URSS, et non pas au mec. Ah oui. Et du coup, ça part dans une espèce de film d'espionnage chelou entre les mecs qui disent qu'ils ont les droits alors que non, et l'URSS qui essaye de récupérer les thunes, tout ça. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ouais. Alors, c'est un peu romancé, évidemment. Ouais. Mais histoire vraiment cool. Je ne sais plus sur quelle plateforme c'était, Tetris. Voilà, donc, et il me semble que c'est pour ça que je te dis ça, que Tetris arrive un peu tard, parce qu'il a été adapté. En tout cas, la première sortie, c'était sur Game Boy. Et Game Boy, c'est 89, je crois. Ça va pas me dire, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'était après la NES, peut-être même après la Super Nintendo. Oui, je pense aussi. Donc, on est à la fin des années 80. Ouais. À ce moment-là, peut-être qu'il y avait déjà des compositeurs qui savaient déjà comment faire le truc. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner le nom de compositeur de jeux vidéo? Nobuo Uematsu, qui est Final Fantasy. Ouais, voilà. Moi, j'en avais deux, j'avais celui-là et j'avais un autre. L'évident pour moi, c'était absolument Christopher évident. Larkin aussi. Ah, je connais pas. C'est assez récent, qui a fait Hollow Knight. C'est un compositeur australien et qui est vraiment extrêmement talentueux. Quoi. Un australien, il y a aussi le compositeur, j'ai oublié le nom, de Doom. Des deux derniers Doom, avec une bande son très très métal, avec un peu d'électro derrière, qui est parfaitement adapté au jeu. Je sais pas si vous avez joué à Doom, mais c'est la musique est incroyable et c'est fou. Ça accompagne vraiment l'espèce de brutalité absolue du jeu. Ouais. Moi, je pensais à Koji Kondo, oui. Compositeur de, j'allais dire de Mario, mais de Nintendo en général. Oui. Oui. Qui est d'ailleurs toujours superviseur des jeux Nintendo et dont le jeu Mario Lapin Crétin sur lequel j'ai bossé. Il y a toujours Koji Kondo dans les génériques qui surveille. T'as pu avoir échangé un café avec lui. Non, pas du tout. Mais... Moi, je pense à deux noms, mais complètement un style différent. Disaster Peace, qui est un gars qui fait des musiques de jeux un peu spéciaux. Comment il s'appelle ce jeu? Il a fait Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter. C'est super BO. Fez. Fez. La fin de Fez. Fez. Et Mini Metro. Et l'autre, c'est un autre nom, c'est Gustavo Santaolalla. Bon, lui, il vient plutôt du cinéma, mais tu vois, il se retrouve dans le jeu vidéo sur The Last of Us, sur les deux jeux. Super compositeur aussi. Ça, c'est compositeur assez récent, pour le coup. Ouais. Disaster Peace qui compose avec des synthétiseurs majoritairement. Il n'y a pas d'enregistrement live ou quoi que ce soit. Il fait tout seul comme ça, avec quelques synthés. Ouais. C'est vraiment hyper, hyper bien. Parce que quand je regardais la liste certaines listes de compositeurs connus, un truc qui me saute à la gueule, c'est qu'il y en a beaucoup, en tout cas peut-être moins maintenant, mais il y en a beaucoup, c'est des Japonais. L'immense majorité jusqu'aux années 2000, c'était japonais. Et Disaster Peace, il est américain ? Ouais, je pense. Ou anglais. Américain, ouais, je crois. Mais oui, c'est peut-être à l'origine, peut-être. Oui, à l'origine, je veux dire, jusqu'aux années 2000, surtout, quoi. Et après, je veux dire, la musique des premiers jeux vidéo, avec tous ces bips, tout ça, etc., parce que techniquement, on ne pouvait pas beaucoup faire différemment. Et le côté japonais, qui a quand même une base différente que la musique occidentale, c'est-à-dire que de ce que j'avais pigé, parce que je ne suis pas non plus expert en musique japonaise, peut-être que vous allez me contredire, la musique occidentale est beaucoup basée sur quatre accords qu'on va répéter, des suites de quatre accords beaucoup, dans le rock, je veux dire, dans le rock, dans la musique populaire, que la musique populaire japonaise est plus basée sur quelque chose de plus jazz, et donc sur huit accords. Et je me demandais si vous perceviez encore aujourd'hui, enfin déjà si à l'époque il y avait cette influence-là dans les musiques japonaises, de jeux vidéo, à savoir ce côté un peu jazzy, et est-ce qu'aujourd'hui encore, puisque c'est eux qui ont un petit peu mis les bases de la musique de jeux vidéo, est-ce que vous le sentez encore aujourd'hui, ce côté un peu plus japonais que le reste, ou est-ce que finalement ça s'est dispersé pour un petit peu s'internationaliser et donc s'américaniser? Moi je le sens ce côté jazzy, mais j'ai l'impression qu'il vient des États-Unis ou qui vient aussi de la musique impressionniste, en fait. J'ai l'impression qu'il puise vachement là-dedans. Mais les impressionnistes eux-mêmes, Ravel et tout, écouter du jazz était déjà... Enfin, c'est vraiment la musique du XXe siècle, quoi. Mm-hmm. Et je ne sais pas si cet aspect-là, on va dire, assez raffiné, harmoniquement complexe, ou vient de la musique traditionnelle japonaise. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la musique traditionnelle japonaise, le peu que j'en ai écouté, comme la plupart des musiques traditionnelles, harmoniquement, c'était très, très rudimentaire, quoi. Mm-hmm. Et très simple. Donc, il me semble que tout ce qui est progression harmonique, ça vient bien souvent de l'Occident, en fait, de l'Europe, des États-Unis. Alors, peut-être que il doit y avoir une musique savante, traditionnellement au Japon, qui intègre aussi des harmonies assez complexes, comme dans la musique indienne et tout, mais ça, je m'y connais pas trop là-dedans. Ouais. Et peut-être qu'on relie la musique dont tu parles, qui vient du Japon, maintenant à de la musique japonaise, mais qui est d'origine, qui vient de... Oui, qu'à la base vient d'Europe, mais avec une relecture japonaise. Oui, oui. Qui est quand même, je veux dire, quand un morceau de rock, vous savez, les fameux, les génériques de manga, on reconnaît assez vite la patte japonaise. Ouais. Alors que c'est une batterie, une guitare et une voix qui chante souvent en anglais. Pourtant, on se dit, ah, tiens, ça semble japonais. Ouais. Est-ce qu'il y a ce truc-là aussi? Est-ce que vous sentez ce truc-là dans la musique de jeux vidéo? Oui. C'est une question vague. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Hein. Mais ils ont un truc, en fait, comment dire. Ils reprennent les formes. Enfin, ils ont comme un art de l'interprétation. Ils vont prendre des influences vraiment de partout. Et ils ont ça. Ça se voit particulièrement dans les blues, par exemple. On va retrouver des thèmes un peu blues et tout chez les Japonais. Alors, c'est pas le blues du vieux bluesman de l'Alabama ou quoi que ce soit. C'est même des trucs assez scolaires, des fois. Il y a des boogie-woogie et tout. Il y a une espèce de naïveté comme ça. Mais il y a donc c'est une naïveté avec laquelle j'ai l'impression ils s'approprient des choses et ils en font leur interprétation. Il y a pas une recherche d'authenticité. Ça j'ai l'impression que ça les intéresse pas et du coup en fait ils sont capables de prendre des influences extrêmement variées et de faire des mélanges assez inattendus, leur propre interprétation, et du coup par là ils arrivent à donner une certaine patte en fait. Et effectivement on reconnaît sûrement cette manière de faire dans la musique qu'ils produisent ensuite, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre aspect dans ces musiques là qui fait très jeu vidéo, c'est que techniquement ils étaient limités à quelques pistes. Donc on a une seule piste sur Nintendo, il me semble qu'il y en avait 8 sur Super Nintendo, donc 8 en tout, hein. Il me semble que je crois qu'ils faisaient un peu comme ils voulaient, mais généralement c'était 2 pistes pour le bruitage, une piste pour la basse, une piste pour la percu et les 4 autres pour avoir des harmonies. Et que en ayant ces limitations déjà sur la première Nintendo, ben, on pouvait simplement pas avoir 2 sons différents en temps, 2 hauteurs de notes différentes en même temps, ce qui a donner beaucoup d'arpèges pour avoir ces accords-là. Et à côté de ça, une mélodie qui parfois s'intercalait entre les arpèges pour avoir encore autre chose. Sur Super Nintendo, ça allait un peu mieux parce qu'ils pouvaient mettre une mélodie, voire 2 mélodies, une basse, des percus, tout ça. Mais c'était quand même vachement limité. Et dans les tout premiers jeux vidéo, c'était tellement limité, il n'y avait tellement qu'une seule piste, qu'il y avait la musique, ça s'arrêtait pour le bruitage et ça reprenait après le bruitage. À partir de là, ça veut dire qu'il faut tout réimaginer pour composer ça. Oui. Oui, c'est un sacré boulot. Du coup, c'est de ces limitations donne aussi l'aspect très jeu vidéo truc. Ouais. Qui a été repris après aujourd'hui. Je crois qu'il y a un style qui s'appelle ça chiptune. Chiptune, ouais. Oui, ça vient de ces limitations techniques, ouais. La composition temporelle, on va dire, même le son, en fait, les sons de ces chips, de ces puces, est resté. Et c'est la signature des jeux vidéo aujourd'hui. Bon, la signature un peu cliché, quoi, des jeux vidéo, c'est le son. C'est ça qu'on a dans un film, quoi. Il faut un bruitage d'un jeu qui ne fait pas de bruit. Les bruits qu'on met, c'est les bip-bip. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu saurais nous dire comment ça marchait techniquement Les puces. Une musique de jeu. Ouais, comment est-ce que la console lisait la musique? Non. Je pourrais pas. J'ai déjà essayé de composer avec des outils qui j'utilisais à l'époque. C'est très, très, très compliqué. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les logiciels son qu'on utilise, qui est une vision horizontale de l'avancée du morceau. Là, c'est un truc vertical. Tu vois les différentes pistes. Et tu codes limite. C'est vraiment c'est du code, quoi, parce que tu dois prévoir ce qui va arriver après. Et tu mets des valeurs. Tu t'écris des valeurs. Ça va te donner des notes. C'est un casse-tête incroyable. Graphiquement, c'est pas présenté comme une partition ou comme une boîte à musique, quoi. Non, c'est vraiment, j'avais jamais vu ça. Et tu peux trouver sur internet des outils gratuits pour faire de la musique de jeux vidéo de l'époque, quoi, avec des très limités, quoi. Parce qu'après, en termes de technique dans la machine, c'est du MIDI avec un synthétiseur. C'est ça. Ouais, c'est juste des messages. C'est du code qui. C'est un clavier, c'est-à-dire que c'est la machine qui a un synthétiseur intégré, ou c'est chaque jeu avait son truc? Chaque jeu a dans ses circuits la musique codée, Et du coup, c'est la machine qui va... La composition, quoi. La partition. C'est ça, la partition. Qu'elle envoie à la machine en lui disant, tiens, joue-moi telle note, ouais. tel temps. Et donc, la machine va jouer avec les éléments qu'elle a à l'intérieur, ces sons-là, qui sont donnés par la cartouche. Mais du coup, le synthétiseur était dans la machine. Donc, en fait, on pouvait, évidemment, modifier à partir d'une base, mais on ne pouvait pas faire absolument tout ce qu'on voulait. On ne pouvait pas complètement aller sur une note synthétiseur, quoi. C'est ça, tu es limité par la console, quoi. Donc, si tu sors un jeu... sur NES, tu peux pas le sortir. Enfin, si tu le sors ailleurs, tu peux faire une composition différente. C'est vraiment. Enfin, les jeux à l'époque, ils sortaient que sur une console. Non, jusqu'à là, Super Nintendo, Mega Drive. Il y avait quand même pas mal de jeux qui étaient sur les deux, il me semble. Ah ouais. Enfin, il me semble qu'il y avait des jeux. Quoique, non, t'as pas tort, quoi. Parce que on parle souvent d'Aladdin comme ça, ouais. Souvent, c'était même plus les portages, c'était quasiment deux jeux en parallèle, quoi. Ouais. On va faire une petite pause, on va écouter ta chanson, Anissé. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as envoyé? Ouais, c'est un gars qui a récupéré des enregistrements du jeu Mini Metro. Du coup, le sound design ou la composition musicale, là, c'est un peu mélangé, qui ont été faits par Disaster Piece aussi, que j'ai cité tout à l'heure. Et du coup, parce qu'en fait... Ouais, peut-être on en parle après, mais c'est des extraits du jeu Mini Metro. Donc c'est vraiment c'est procédural. Donc c'est des sons qui sont arrivés aléatoirement ou en fonction de ce que le joueur a fait dans le jeu, il y a eu ce résultat sonore, quoi. D'accord. Donc oui, parce que tu me parlais de la musique procédurale. Ouais. Bon, on écoute ça, tu nous expliques après ce que c'est. Ouais. Ça s'appelle Reflections. Réflexion. Ouais. Allez, c'est pour toi, on écoute ça. Ce morceau s'appelle Reflections. Anissé, tu me disais que c'était un morceau de Disaster Piece. Ouais. C'est ce que j'ai bien compris. C'est pas vraiment un morceau de Disaster Piece parce que Disaster Piece, il a créé juste les sons qui vont composer des morceaux qui vont se créer en fonction de ce que le joueur fait. Ouais. Donc, est-ce que tu peux venir au bas déjà, ouais. Qu'est-ce que c'est le jeu Mini Métro donc ? Mini Métro, ouais. Je ne sais pas si vous avez pu imaginer ce que symbolisait chaque son. En fait, c'est vraiment des sons que font les métros qui se déplacent dans le jeu. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'amener des passagers, d'un point A à un point B. Donc chaque passager est intéressé à aller à un point particulier. Donc en gros, tu vas recréer des métros de grandes villes du monde entier, quoi. Mmh. Et donc c'est un truc assez reposant. Moi, je l'ai sur tablette. C'est super à jouer sur tablette. Tu traces les lignes. Mmh. Et après, tu vas avoir de plus en plus de passagers qui veulent aller à différents endroits de la map. Et donc il faut galérer avec. Soit ajouter des lignes, soit ajouter des wagons, des trucs comme ça. En fait, tu crées un réseau, un réseau de métro, quoi. Ouais, ouais. Après, il me semble, si je me souviens bien, en plus, le design est vraiment comme sur le tableau qu'on a dans les gares de métro. Ouais. Tableau blanc avec toutes les lignes qui sont bien carrées. Ça va être inspiré du métro parisien, un truc comme ça. C'est pas partout, parce que même dans ma rue carte, il y a un truc de métro et il y a une carte de métro si on s'arrête et vraiment le même genre de design avec chaque ligne qui a une couleur particulière qui est vraiment avec des traits bien droits, bien carrés, des angles bien 90. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la lampe partout. Je sais pas si c'est pareil. C'est ce qui a fait en premier ça. Mais... C'est des formes géométriques, c'est assez abstrait. Mais au final, tu te retrouves à faire des réseaux de métro de grandes villes du monde. Mmh. Et du coup, chaque son qu'on a entendu là est lié soit au déplacement d'un wagon, soit un passager qui va demander sa destination. Quand il y a une gare qui est surchargée de monde, il y aura un autre son. Et tous ces sons, en fait, combinés les uns avec les autres, ils vont créer un morceau, en fait. D'accord. Ah, c'est pas quelqu'un qui a pris chaque son et qui en a fait un morceau. Non. Ça, c'est vraiment généré. Là, c'est des extraits. C'est des extraits du jeu tirés tel quel, quoi, du jeu. Et donc, c'est chaque expérience donne un morceau différent, quoi. C'est incroyable, ça. Donc, t'as jamais le même morceau. Donc, c'est ce qu'on appelle la musique procédurale. Donc, c'est de la musique qui va se créer au fur et à mesure que le joueur évolue dans le jeu. Et donc, il n'y a pas vraiment de morceaux créés. Il y a soit des pièces de morceaux de plusieurs petites parties, soit juste des petites notes. Donc là, vraiment, Mini Métro, c'est l'exemple parfait. C'est des petits sons qui vont être joués les uns avec les autres, qui vont créer... Mais du coup, tout doit quand même être plus ou moins en cadence. Il y a peut-être dans le même rythme. Il y a peut-être un déclenchement qui se fait sur un tempo donné. Ouais. Il y a aussi sûrement une tonalité de base qui a été choisie par le sound designer, le compositeur, qui dépend peut-être, je sais pas, du niveau dans lequel t'es ou quoi. Donc oui, il y a un petit cadre qui a été réglé avant pour chaque niveau. Mais après, tous les sons, ça fait des morceaux aléatoires. Et ça après, techniquement, en termes de mixage, ça va être un enfer derrière, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va en sortir. Ouais, exact. En fait, le mixage, c'est juste jouer au jeu à nouveau, essayer toutes les possibilités. Et voir parce que tu n'automatises pas le mixage. Ça, c'est pas, j'imagine que c'est techniquement faisable dans ce monde. Tu peux automatiser, faire baisser quelques instruments s'il y a tant d'entités de ce son, peut-être les baisser un petit peu ou quoi. Tu peux avoir des trucs comme ça, mais non, vaut mieux avoir des sons qui sont prêts, qui sont au bon niveau, qui pourraient aller avec tel autre son. C'est assez compliqué. Une bonne compression à la fin et ça, tout est au même niveau tout le temps. C'est ça. Et qui t'a déjà essayé ? Tu t'es déjà demandé si tu pouvais composer une musique de jeu vidéo et qu'est-ce que tu ferais ? Comment tu le ferais ? Comment je le ferais ? Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Alors de par mon réseau dans lequel je suis et tout, je ne suis pas amené à faire de la musique pour jeux vidéo, mais plus de la musique live en fait. Mais en effet, c'est quelque chose, je me dis, un jour peut-être, faudrait que je me bouge un peu pour voir où c'est que ça se passe, tout ça. Mm-hmm. Comment je ferais Parce que moi, ce que j'ai compris, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche Doom où tu as un morceau calme, un morceau qui tabasse, et il y a une espèce de fade entre les deux pour le moment calme et le moment où ça tabasse. Il y a l'approche, comme tu disais, procédurale où chaque élément apporte quelque chose. Et j'avais vu, moi, il y a longtemps, je ne sais plus sur quel jeu, c'était un jeu de combat où chaque personne avait son thème, chaque combattant a son thème, et quand il y avait deux combattants, du coup, face à face, et bien les deux thèmes se combinaient pour donner un truc différent selon les thèmes. Et je crois que cette combinaison était faite automatiquement. C'était pas le mec qui avait composé pour chaque possibilité, parce que si à partir de 15 joueurs tu finis pas avec des centaines de possibilités, et du coup je sais pas, est-ce que tu as déjà réfléchi non, c'est vrai que rien que le paramètre là, de la musique procédurale tel qu'Anissé vient de l'expliquer ou qu'on vient de l'écouter, c'est vrai que c'est assez nouveau pour moi. C'est pas quelque chose comme ça que d'emblée m'aurait intéressé ou que j'aurais pris en compte. Et pour autant, quand j'entends parler de ça, je me dis, ah tiens, c'est vrai que les possibilités de composition là, ça ouvre des possibilités intéressantes, quoi. Après, c'est vrai que moi, tel que je l'imagine jusqu'à présent, c'est vrai que c'est un peu à l'ancienne, quoi. Ce serait une composer boucle. Une musique de combat ou ouais. une musique de tel endroit ou quelque chose. Dans Dark Souls, c'est comme ça, c'est des thèmes par endroit. Alors généralement, il y a une intro et après, à partir d'un moment, ça boucle. C'est comme ça. Et en fait, il y a vraiment. Généralement, il y a une musique à l'endroit où le jeu démarre, en fait, un peu à la base, quoi, un peu. Mm-hmm. Et après, il n'y a pas de musique dans les donjons, en fait. Il n'y a pas de musique. Dans les combats de boss, en fait. Quand il y a un boss, la musique s'enclenche. Et là, c'est des boucles. Il y a un truc aussi. C'est-à-dire que dans Dark Souls 3, les boss ont différentes phases, en fait. Mm-hmm. Donc, de 2 à 3 phases. Ouais. Et en fait, en fonction des phases, la musique change. D'accord. Et alors ça, j'ai pas trop mis le nez là. Comment ils faisaient la transition? Mm-hmm. Mais la transition se fait facilement. C'est-à-dire qu'on passe d'une musique à l'autre, ou qu'on en soit dans la boucle, ça passe à l'autre. C'est des musiques différentes ou c'est une réinterprétation de la même du même thème tout ça? Ça dépend. Il y a des trucs un peu différents, il me semble. Je vais pas dire conneries, mais ouais. Non, il y a des musiques qui sont assez différentes. C'est-à-dire quand ça passe à la phase 2, tac, c'est hyper vénère d'un coup. Mais il doit y avoir effectivement un truc de tonalité ou de assez, assez global qui fait que clac, ou qu'on en soit dans le morceau, ça. Ça match, quoi. Je sais pas trop parce comment ils font ça. Ouais. Moi, il me semble, en fait, j'ai un truc qui me revient là. Je sais pas si vous avez joué à Burnout. Burnout 2, moi, j'ai pas joué à Burnout 2. Et dans Burnout 2, donc, qui est un jeu de course, il y a une barre de turbo. Ouais. Et quand on l'enclenche, ça dure assez longtemps. Et quand on l'enclenchait, la musique changeait. Mais enfin, elle changeait pas. Il y avait quelque chose en plus. Mm-hmm. Quelque chose qui augmentait. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait le truc de base, le rock, électro, je sais pas quoi. Et quand tu le mettais, paf, il y avait une guitare en plus qui venait tabasser, ou la batterie qui doublait, quelque chose comme ça. Et dès que ça s'arrêtait, tu sais, il y a un petit chou, et ça revenait à la musique normale. Oui. C'était juste une augmentation en intensité de ce qu'on avait déjà. Ouais. Et pareil, alors, pendant que je le dis, j'ai encore autre chose qui me vient. Super Mario World 3, je sais plus lequel, quand on monte sur Yoshi, il y a des petits tic-tic-tic-tic qui se rajoutent. Ah ouais, et oui. Ça, c'est un peu marrant. Donc c'est des couches, quoi, des layers, comme on dit. Soit une ligne de percussion ou quelque chose qui augmente un peu qui, le morceau. Qui arrive que quand tu entres Yoshi, que quand tu mets le boost, pouf, t'as d'un coup une guitare en plus qui tabasse bien, qui se ramène comme ça. Ouais. Mais ça, il me semble que justement, le créateur, le compositeur de Doom n'en voulait pas parce que c'était un enfer de mixage. Ah oui, quand on joue des trucs, lui, il voulait un truc propre. Ouais. Mais surtout que le mec, faut aller voir les making of de la musique de Doom parce que c'est débile, mais le mec, il a vraiment des nappes et des nappes qui s'ajoutent par-dessus, c'est ultra chargé. Ouais. Et je pense qu'il avait peur que, justement, je crois que d'ailleurs, il a quitté Doom après le 2, justement pour des accords de mixage avec son producteur. Ah oui, Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que bon, quand j'ai joué à Burnout à 12 ans, je m'en suis pas rendu compte, mais que tu peux avoir vite des... surtout aujourd'hui avec la musique moderne. Je veux dire, dans Mario, quand tu rajoutes un petit tambourin quand tu joues Yoshi, ça va. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, ça fait quand même quelque chose d'assez différent, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait. Les musiques de jeux vidéo, t'as deux... t'as une organisation horizontale. Donc, t'auras comme, comme disait Eki, donc en fonction du niveau dans lequel t'es ou dans la phase de jeu dans laquelle t'es, t'as une phrase musicale ou un thème, et puis t'as une organisation verticale aussi, donc avec des instruments qui peuvent s'ajouter, comme tu dis pour Yoshi, dans Burnout, des couches qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent en fonction de ce que tu fais dans le jeu. C'est ça qui est cool. Et tu parlais tout à l'heure de silence dans un jeu vidéo et de Dark Souls. Et que justement, il y a beaucoup de moments dans le silence. Ouais. Je ne sais pas à quel moment ça... Qui c'est qui décide de ça ? Est-ce que c'est le compositeur ? Est-ce que c'est le producteur ? Est-ce que c'est l'équipe entière ? Parce que c'est difficile en tant que musicien de dire non, là, toutes ces phases-là, pas de musique. Parce qu'il n'y a pas besoin. Moi, je pense que dans le cas de Dark Souls, c'est Miyazaki, le concepteur du jeu, qui a pensé à ça. Qui n'est pas le même Miyazaki que celui de Mario. Non. Ouais, on est d'accord. Voilà. Et oui, je pense que... oui, parce qu'il est parti, il me semble, des trucs de jeux de rôle qu'il y avait dans les livres ou des jeux de rôle sur table et tout. Il est parti de quelque chose comme ça. Et donc, je pense que toute la phase, tout l'aspect dans lequel on laisse place à l'imagination de se développer, ben, suppose en fait une espèce de silence, de mutisme ou de manque, enfin, ou de carence dans l'illustration, l'interprétation, des choses comme ça. Et je pense que le fait d'avoir mis du silence dans les donjons, je pense que c'est un choix de sa part. Comme il y a des trous dans le scénario, comme il y a pas mal de choses comme ça qui permettent à l'imagination du joueur en fait de se développer. Donc je pense ça m'étonnerait pas que ce soit une intention du concepteur qui était vraiment dans ce sens quoi pour Dark Souls. C'est l'équivalent du réalisateur au cinéma, c'est le directeur créatif dans le jeu vidéo quoi, qui aura ces genres de décisions. Si c'est pas le compositeur, c'est souvent des décisions franche, c'est le directeur créatif qui décide ça. Quand on préparait l'émission, Anissé te plaignait, et je pense à raison, qu'on ne parlait pas assez de son design dans les médias, etc. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en quoi consiste le travail de son designer ? Ouais, comme je disais... Je veux dire, c'est toi qui fais les bruits, mais après, je veux dire, dans les faits, comment est-ce que j'ai un jeu de course ? Et je dois avoir un bruit de... J'ai les policiers qui me poursuivent, je dois avoir le bruit de sirène. Comment ça marche ? Eh bien, c'est simplement de lier des sons à du code, quoi. Donc, simplement... Après 3 ans d'études. Oui, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est surtout... On bosse beaucoup avec les programmeurs quand on est, quand on est designer sonore, parce que... Quand tu es designer sonore, tu sais créer des sons, tu sais peut-être créer des musiques, mais tu ne sais pas coder. Donc, c'est vraiment en relation avec les programmeurs que tu travailles. Et c'est vraiment lier les sons que tu as créés au jeu. Donc, quand c'est qu'ils vont se déclencher, tu peux. Il y a des outils qui permettent d'aider le designer sonore à intégrer ces sons-là dans le jeu. Ouais, c'est toi qui le fais, ça ? Ou c'est, tu prends le son, tu dis bon, j'ai fait un son d'une grenade qui explose dans Call of Duty. Ouais. Je te donne le son et tu te débrouilles, ou c'est toi quand même qui va dire tiens, je vais le coder pour que ça sonne de telle façon. Ça dépend quels sont les sons un peu spécifiques, ou par exemple un tir d'arme par exemple, il faut que ça soit déclenché à un certain moment dans le code, et donc c'est vraiment le codeur qui va intégrer ce son là par exemple. Mais si c'est des ambiances dans une map, placer l'ambiance forêt sur la forêt. Ça, je peux le faire, moi, dans le moteur de jeu. Il y a des outils simplifiés pour intégrer des sons, et donc je peux le faire moi-même. Et pour tout ce qui est lié à l'interaction vraiment directe avec le joueur, c'est plus les programmeurs qui vont intégrer un son que moi, j'ai intégré dans le moteur de son. Et pour la modification du son, je dis une bêtise, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui tire, et la même personne qui tire mais qui est à 100 mètres, le son ne doit pas être le même. Ouais. Comment ça je le prévois dans le moteur de son, donc, qui est en amont du moteur de jeu. Et donc je prévois des courbes d'atténuation du son, de filtrage selon du la son, distance, en fonction de la distance. Et aussi, c'est en fonction de l'endroit. Je veux dire, si tu es dans une chapelle ou si tu es en forêt. C'est ça. Créer des fausses réverbes en fonction du lieu où tu es. Et après tout ça, les courbes, les réverbérations, tout ça, tu vas donner des noms au programmeur. Le programmeur, il va récupérer ces bouts de code, là, ces noms-là. Il va les intégrer, lui, dans le code à certains endroits. Mais il faut tout prévoir en amont. Il faut recréer comment on dit, l'évolution du son dans le monde réel, quoi. En fait, il faut le recréer virtuellement parce que virtuellement, il n'y a rien. Et ouais, donc, il faut tout recréer tout ça virtuellement. Voilà. Et après, tu parlais de... Pourquoi on ne parle pas de son? Oui, je râlais qu'on ne parle pas beaucoup de son. Ça me fait penser à une... Que les gens ne font pas gaffe au son. Une citation de... comment ça s'appelait une émission de jeux vidéo sur YouTube qui racontait la technique, tout ça, et qui disait « On se plaint de la caméra seulement quand elle est mauvaise. » Ok, ouais, la caméra, c'est ça. Et bien, le son, c'est pareil. C'est pareil pour le son. C'est exactement pareil, ouais. Tant que tu ne le remarques pas, ça veut dire que c'est naturel. Tu as l'impression que c'est là, que ça vient avec l'image, quoi. C'est comme si tu regardais le vrai monde à travers un écran, quoi. Mais par contre, s'il y a des défauts, tu peux le remarquer. Mais, et finalement, il y a beaucoup de boulot derrière tous les sons d'un jeu, mais c'est pas un truc qu'on remarque, et c'est un truc qui est rarement cité dans les critiques de jeux. On parle beaucoup de musique quand même, on parle pas mal de musique, mais design sonore un peu moins. Ouais. Alors, ce qui est drôle justement dans les Dark Souls, c'est-à-dire dans toutes ces phases de jeu, de donjon, où il n'y a pas de musique. On va peut-être juste recontextualiser vite fait. Dark Souls, c'est un jeu à troisième personne, médiéval, où on bute des monstres à l'épée. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. C'est bien résumé. C'est Camelot en très très noir, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Et il y a justement cet aspect-là où la musique est entièrement faite par le sound design, en fait. Parce que vraiment, quand on est dans les donjons et tout, c'est vraiment les bruits de pas en fonction de l'armure qu'on porte. Donc, le bruit du personnage change en fonction du poids de l'armure, le bruit des armes, des monstres, tout ça. Et c'est vraiment tout ça qui fait l'univers sonore à ces moments-là. Donc là, effectivement, ça a une importance. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, c'est extrêmement soigné, quoi. Ça, c'est clair que... Est-ce que ça arrive que le sound designer et le compositeur travaillent ensemble pour intégrer peut-être la musique dans le son, dans le jeu? Je veux dire que la musique change, mais pas orchestralement, pas dans l'écriture. Oui. Et tu peux nous donner des exemples de ça? En fait, tu as souvent des compositeurs qui peut-être connaissent pas trop le monde du jeu vidéo, qui comprennent pas trop comment fonctionne le jeu sur lequel tu es. Mm-hmm. C'est le sound designer qui va faire le pont entre la programmation, le code du gameplay et ce que veut ressentir le joueur par le son. Et du coup, il va expliquer au compositeur sur ce passage-là, il faudrait que la musique, elle exprime ça. Mm-hmm. Et donc il nous faut une boucle de tant de secondes avec plusieurs couches pour pouvoir ajouter une couche si jamais il y a un ennemi qui arrive, qui s'en va. Tout ça, c'est le designer sonore qui va le mettre en place avec le compositeur, peut-être main dans la main. Quand on parlait de burn-out tout à l'heure, ça serait du coup, c'est là où les deux vont collaborer ensemble avec le turbo, c'est ça. Là, le truc va... Ouais, le sound designer ou le directeur sonore va dire là c'est un moment important du jeu, il faut qu'il soit souligné par le son et par la composition. Donc il va dire au compositeur, il faut que tu crées une couche qui va venir s'ajouter à la musique de base. Donc le designer sonore et le compositeur, ils travaillent beaucoup ensemble. Et à l'inverse, ça arrive que le sound designer retouche pas la compo, mais je veux dire peut-être mettre un effet sur la musique comme ça. Ouais, c'est possible. Je veux dire, vraiment une réverb quand on est dans le truc. Ouais, complètement, oui. Et après, retoucher, non, mais rassembler des musiques, fait assembler des bouts de musique que le compositeur aura prévu, plusieurs couches, plusieurs parties, avec des petites phrases de transition, tout ça. C'est le sound designer qui va assembler tout ça dans le jeu et qui va faire que les transitions soient fluides, qu'on n'entende pas les changements de passage et tout. C'est le sound designer qui va rassembler tout ce puzzle, en fait. Ok. Ouais. On va aller ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 97 sur PlayStation, la première, et sur Saturn? Il s'est passé un truc qui est quand même un petit peu... c'est pas mal ça. Les cinématiques? Non. Cinématiques, c'était avant. 97. En 97, on est sur PlayStation 1, donc 3 ans après la sortie de la Play. Et la Saturn, tout le monde l'a oublié, celle-là. C'était celle-là après la Mega Drive. C'est la première console 3D, je crois, de Sega, mais qui était vraiment tellement pas terrible que personne s'en souvient. Peut-être qu'on pouvait mettre la puce pour mettre les jeux gravés. On pouvait le faire, c'est vivant, mais c'est plus tard. Cela dit, c'est pas complètement... Il y a une Il y a un tout petit lien avec ce que tu viens de faire. Ah ouais, bah attends. Si on pouvait être une puce, c'est Action Replay. Non. Non, c'est pas mais ça. Mais si on pouvait être une puce, c'est parce qu'on avait des CD. Oui, et du coup, on avait de la musique, on pouvait ajouter de la musique enregistrée dans les exactement. Jeux. Exactement. Et donc, en 97, on a eu... Quel jeu ? On a eu la première musique orchestrale dans un jeu vidéo. Oui, voilà. Enregistrée par 40 musiciens. C'était sur Le Monde Perdu, Jurassic Park. Ah ouais. C'était composé par Giacchino, j'ai jamais su comment prononcer son nom, qui depuis est devenu un gros compositeur au cinéma. Et c'est grâce à ce jeu que comme j'ai dit à Peter Jackson Pay et tout, que Steven Spielberg l'a, l'a remarqué. Et je crois que son, apparemment, ça a tellement marqué les joueurs et tout ça que ces thèmes ont été repris dans la dernière trilogie Jurassic Park. Donc de ce jeu-là, 97. Incroyable. Qui devait être un jeu mémorable. Hein, du coup, bon, apparemment, il était vraiment bien pourri, mais il avait juré que c'était exceptionnel. Quoi. Okay. Et donc, ouais, effectivement, à partir du CD, le CD, c'était incroyable parce qu'on avait beaucoup, beaucoup plus de place qu'avant. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs de jeux vidéo ne voulaient pas aller sur Nintendo 64 parce que c'était encore des cartouches qui n'avaient pas beaucoup de place et que bah, du coup plus de place ça veut dire pouvoir faire beaucoup plus de choses. C'est à partir de là que du coup les choses ont changé finalement. Qu'on a arrêté d'avoir un synthé ou pas seulement un synthé dans la console et avoir des vrais dialogues enregistrés par des vrais gens, ouais. Plutôt que des espèces de reproductions chelou. Ah oui, c'est quasiment de passer du muet au cinéma au parlant quoi, parce que encore plus quoi, t'as la voix en plus, les bruitages beaucoup plus réalistes, ouais, et de la musique et de la musique qui peut être une musique acoustique enregistrée. Par contre du coup ça enlève peut-être aussi ce côté un peu plus adaptatif, parce que j'imagine qu'au tout début en 97 ou 94 pour la PlayStation 1 il me semble, ben, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à toute l'adaptation, donc c'était des boucles, des grosses boucles et c'est parti quoi. C'est vrai que le MIDI, ça aide vachement pour tout ce qui est interaction, quoi. Même aujourd'hui, quand tu fais des éléments qui sont interactifs dans le jeu, il y a beaucoup de trucs qui passent par le MIDI parce que c'est beaucoup plus simple pour faire des sons interactifs grâce au MIDI. Pour expliquer, le MIDI, en vrai, c'est juste une partition, quoi. Le MIDI, c'est pas la musique, c'est vraiment que la partition que l'on donne à une machine qui va jouer cette partition. Ouais, et après, c'est la machine qui va donner le son. Ouais, c'est ça. On va continuer avec une question. Quel est le jeu de rythme le plus vendu de tous les temps? Alors, tout le monde le connaît, même vous, auditeurs, auditrices. Guitar Hero. Non, vous connaissez, vous l'avez vu dans des films, partout. Mais, alors, personne n'y a joué. Moi, je connais personne qui a joué à ce truc-là. Ah, mais tout le monde le connaît. Joué. Un truc de danse? Non. Un truc de danse. Ouais, comment ça s'appelait? Qu'il y avait sur la Play 1, là. Non, peut-être pas. Ah, il y avait peut-être Just Dance. Non. Non. C'est pas ça. C'est vraiment. Alors, je pense que ça existe sur console, hein, parce que vous êtes vendu comme ça, mais c'est presque plus un jeu d'arcade. Vraiment, on le voit en mode arcade. Vous savez que quand les Américains veulent faire un truc au Japon, tout le temps un passage dans ce truc-là. Ouais. Vous l'avez pas ? Non. 400 millions de copies vendues, 98, Dance Revolution. Vous savez, avec les flèches. Oui, des sortes de combats, là. Dessus. Exactement, vous avez à deux. Il faut danser dessus. Ah, il y a une barre derrière ou sur le côté pour s'accrocher. En salle d'arcade, d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de salles d'arcade, mais j'imagine qu'après, il a été repris, parce qu'il y a eu plein de petits accessoires de merde, tu sais, les tapis qu'on mettait par terre pour le faire. 400 millions de copies vendues. Ah ouais. En comptant, j'imagine, les arcades. Et du coup, le jeu de rythme, alors finalement, c'est assez. 98 pour celui-là. Il y en a eu avant, il n'y en a pas eu beaucoup. Tu parlais de Fez? Fez. Tout à l'heure, c'est ça. Alors, c'est pas un jeu de rythme. C'est pas un jeu de rythme, c'est un jeu musical. Non. Je confonds. Rez. Je confonds avec Rez. Ah oui, Rez, exactement. Je confonds avec Rez, qui est un jeu complètement de rythme, oui. Mais qui, pour le coup. Ouais, ça date. Ça, pour le coup, c'est presque même plus un jeu de rythme. Le jeu de rythme, pour faire simple, c'est vraiment on a des touches qui arrivent, il faut appuyer au bon moment, droite, gauche, au bas, ce que vous voulez. Que Fez, il me semblait. Alors, c'est un peu lointain, mais c'était un truc où on pouvait choisir presque quel instrument jouer, presque la mélodie. Il y avait une espèce de truc un peu entre les deux, quoi. C'était pas vraiment. Je sais plus. C'est pas le jeu qui nous disait quand appuyer, mais c'est nous qui décidions de changer le truc. Il y a quelque chose comme ça. Ah, moi dans mon souvenir, c'est il faut être dans le tempo. Tu fais des mouvements qui sont quand même dans le tempo de. Ouais, t'es dans le tempo, mais t'es pas complètement obligé de faire. Enfin, il n'y a pas une partition, quoi. C'est toi qui crée un petit peu ce que tu as envie de faire à ce moment-là. Tiens, et si, j'allais par là-bas, tu as un son différent d'aller par là-bas, mais je veux dire, c'est pas punitif, quoi. Je me rappelle pas. Il a été remasterisé et en VR, j'y ai joué. En VR. Comment ça marche en VR? Incroyable. Mais je sais plus. c'est très abstrait comme jeu. Mais c'est très. C'est dans l'espace. Voilà, que c'était presque. Vraiment, on a une espèce de matrice avec. Tu vas là, bon, tout est correct dans la tonalité, mais que c'est toi qui choisissais si hop, tu montais un peu plus, tu redescendais. En allant par là, t'as peut-être un peu plus de tel sang ou un peu plus de percu. En allant par là, t'as un peu plus. Mais c'était un shooter, non? Tu joues des trucs comme ça, ouais. Et je crois que ça shoot en rythme. Et que finalement, ça n'a pas tant décollé que ça, les jeux comme ça, comme Rez, où vraiment on te proposait de faire de la musique toi, alors que les jeux rythme, avec après Guitar Hero, ça explose. Vous avez joué à Guitar Hero? Un petit peu comme ça chez des amis j'ai ou comme ça. Une fois, j'ai pas réussi. C'est dur. Ouais. Rah, j'ai rien compris, quoi. Ouais. J'étais là, il n'y arrivait pas. Ouais, c'est très dur. J'arrivais pas. Et je parle à deux guitaristes. Oui, non, mais. Ça n'a rien à voir avec la guitare. Faut oublier la guitare. Et... C'est manette héros, quoi. Mais vraiment, mais je me disais, parce que moi j'allais jouer avec mon frère. Alors je jouais déjà un peu de guitare à l'époque. Je me disais, bon, je vais l'éclater. Tu vois. J'ai la dextérité, il l'a pas, lui. Il m'a explosé. Je crois que j'ai pas réussi la première chanson en mode facile, quoi. J'étais à 50% de trucs bons et encore, je suis même pas sûr. Voilà, et que c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas plus d'interaction, finalement, entre la musique. Et le jeu vidéo. Il y avait un jeu assez spécial qui était sorti il y a un moment, un vieux point and click qui s'appelle Loom. Alors c'était un jeu d'énigmes, tout ça. Et je me souviens, alors ce qui était assez intéressant, c'était que c'était axé sur l'aspect mélodique, en fait. C'est-à-dire qu'on apprenait des mélodies. Et puis, en fonction des énigmes, il fallait rejouer les mélodies. Alors on pouvait jouer plusieurs notes. Et il y avait plein d'énigmes qui étaient liées en fait à la mélodie qu'on allait proposer, qui n'était pas toute faite, quoi. Il fallait jouer note par note les trucs. C'est un jeu hyper poétique, super beau, quoi. Loom, moi je pense qu'on peut le trouver encore sur PC. C'est un vieux jeu, mais ouais, il y avait ça aussi. Mais, voilà, à part les jeux de rythme comme ça, les Guitar Hero, les trucs de danse, les SingStar, tout ça. Y a Mario. Dernièrement, qui a fait une petite immersion en ayant des niveaux où vraiment il faut sauter en rythme avec la musique, mais c'est très pris sur Rayman, qui avait beaucoup fait ça, où vraiment il fallait sauter au bon moment pour sauter droite gauche, etc. Pour exactement Rayman Legend, pour que ça marche bien, il y a pas. Non, mais il faut dire que c'est là-dedans. C'est très compliqué de mettre en place un gameplay qui est lié à la musique. Mm-hmm. C'est techniquement très compliqué. Je me rappelle qu'on a sur le Mario et Lapin Crétin sur lequel j'ai bossé, on a réussi à créer des petits des sons d'animaux qu'il y a dans le monde, qui vont être liés à la qui vont être dans la tonalité du morceau qui est en train de se jouer en fond. Ouais, d'accord. Et rien que faire ça, faire en sorte que le jeu sait toujours à quelle tonalité t'es à ce moment-là et que du coup ça va envoyer des messages au moteur audio pour dire là il faut envoyer ces sons-là en particulier, c'est assez compliqué à mettre en place, donc ça veut dire gros jeu, il faut des moyens pour mettre ça en place assez conséquent. Mais ouais, parce que j'écoutais un truc, ce dernier Mario, Mario Wonder qui est sorti il y a vraiment quoi, un mois je crois, quelque chose comme ça. Et Koji Kondo qui du coup donc le compositeur qui pour une fois, disait-il vraiment lui-même, pour une fois, il a participé à la création du jeu depuis presque le début. Ah ouais. Et qu'en en fait, avant, on lui montrait le jeu, et ben vas-y, mets la musique. Ouais. Et que tout ce qu'il avait pu faire, c'est les Koopas qui chantaient un rythme avec la musique, et c'est tout. Ouais, et qui était extrêmement frustré à chaque fois, alors que là, pour le coup, il a pu faire vraiment des niveaux musicaux. Voilà, il paraît que c'est un très bon jeu, le dernier Mario Wonder, avec beaucoup, beaucoup de choses qui changent tout le temps. Presque frustrant, tellement on peut... Tellement on peut passer un niveau trop cool et ne plus jamais revoir ce concept. Ah ouais. On va s'écouter un autre petit morceau. Cette fois, ça va être le tien, Eki. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, c'est un morceau que je suis tombé la semaine dernière, comme ça, un peu par hasard. J'écoutais de la musique sur YouTube. Et c'est un morceau de Final Fantasy V, donc que Nobuo Uematsu a composé. The Battle on the Big Bridge, donc c'est une musique de combat de boss, donc contre un antagoniste qu'on retrouve souvent dans le jeu, Gilgamesh. Et c'est drôle. Il y a déjà dans ce morceau pas mal d'influences diverses, notamment à cette époque-là, il y avait un peu l'influence de la disco aussi dans les musiques de combat, dans les lignes de basse et tout. Il y avait ce truc un peu rythmé là. Et donc là, c'est un arrangement qui a été fait pour quintette à cordes. Et donc le morceau a totalement été réarrangé avec des variations. On rappelle qu'il est 92 le jeu, donc faut pas s'attendre à des vrais instruments à l'époque, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, et donc là, c'est un enregistrement, donc une performance live, et donc avec un arrangement. Alors c'est marrant, donc ces vieux thèmes sont pris un peu comme des standards de jazz. Il y a des musiciens qui les refont à leur sauce, tout ça. Donc là, il y a un arrangement qui a été fait. Et on remarque donc là aussi, il y a ces influences qui viennent un peu de partout, quoi. Il y a des moments un peu fusion, un peu blues, des trucs. Enfin bon, c'est un espèce de pot-pourri de musique de combat, mais que je trouve assez épique, assez entraînant. Voilà, c'était. Donc c'est Battle at the Big Bridge de Final Fantasy V, mais repris par un quintet à cordes, quintet. Ok, allez, c'est parti. Thank you. c'est Battle at the Big Bridge. C'était sur la BO, enfin une réadaptation, un réarrangement de la BO de Final Fantasy V, sorti en 92. Quand on écoute ça, on se dit que les mecs qui ont composé ça, ils avaient quand même un petit peu idée de ce qu'ils faisaient, quoi. C'est quand même franchement incroyable de sortir comme ça avec 6 pistes. C'est incroyable. 6 pistes dans les basses, etc. Quoi. Ah oui. Après, c'est surtout. Alors, moi ce que je pense que le manque de moyens aussi, en fait, ça leur imposait quelque part en fait, un génie mélodique. C'est surtout ça. Moi, ce que j'aime bien dans les Final Fantasy et tout, c'est qu'il y a vraiment des compositions qui ont des super belles mélodies, des super belles harmonies. C'est-à-dire que ce sont vraiment des pièces au sens compositionnel qui sont magnifiques. C'est-à-dire qu'on joue ça avec un piano, une guitare, avec une flûte, ça marche, quoi, en fait. Et le vice, on va dire, des moyens techniques aussi, c'est qu'à un moment donné, on peut envoyer du son, tu envoies là. Parfois, vraiment, les musiques de combat que j'écoute des derniers jeux vidéo, notamment des Dark Souls que j'adore, il y a des musiques de combat qui sont, on va dire, plutôt intéressantes, mais la plupart des musiques de combat, c'est comme dans les films qui sont des blockbusters, en fait, c'est des gros ensembles symphoniques. Ouais. Il y a tout. En fait, il y a vraiment, il y a les corps, les cuivres, les chœurs, les cordes, tout est là avec des percussions, des timbales à gogo, un son pas possible. En fait, il y a pas une seule mélodie qui en elle-même est viable. C'est-à-dire qu'on joue ça avec un piano, on s'ennuie, quoi. Ouais. Et c'est-à-dire que donc maintenant ces sons-là, donc des Final Fantasy de l'époque et tout, sont repris par des orchestres et tout avec des arrangements super et tout. Donc, c'est vraiment génial. Ça sonne du tonnerre, mais ça sonne du tonnerre parce qu'à la base la composition dans son aspect le plus minimal en fait est absolument géniale, quoi. C'est ça, c'est une des forces de Nobuo Uematsu, c'est-à-dire que en fait, on progresse dans le jeu et à chaque moment où il y a un thème musical, en fait, c'est une pièce qu'on peut écouter seul chez soi ou quoi que ce soit, en fait, même en ne jouant pas, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que tel, le morceau, il fonctionne, quoi. Mmh. Donc ça, c'est assez fou. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé le 6 juillet 2005 la prochaine étape. 2005. On est en 2005, le 6 juillet. Donc en lien avec la musique, j'imagine. En lien avec la musique et en lien avec le jeu vidéo aussi. Oui, oui. Une console en particulier ou... Non. Non. Ça s'est passé en Californie, vous devez tout savoir. Il s'est passé un truc. Premier concert de musique de jeux vidéo. Exactement. Premier concert, en tout cas, de musique des Video Games Live. D'accord. Un petit peu lancé le truc. C'était au Hollywood Bowl en 2005, devant 11 000 personnes. Ils n'ont pas fait de jeux vidéo en particulier, c'est plus un melting pot, un truc très connu. Mais ça veut dire qu'on a quand même passé une étape en 2005, ça y est, c'est reconnu que la musique jeux vidéo et le jeu vidéo en tant que tel ne sont plus des petits trucs de geek, de niche, de fans de Donjons & Dragons boutonneux avec des lunettes, quoi. Ouais. Ouais, la musique sort du jeu vidéo et arrive vers des... Ouais, vers des publics qui connaissent pas forcément le. Que tu étais comme ça, c'est pour ça. Non, moi j'étais comme ça. Un peu comme ça, mais c'est sympa pour les fans de Donjons & Dragons. C'est cliché. Moi j'étais un petit boutonné à lunettes. Hein. Ça m'allait très bien. Et oui. Mais ça y est, à partir de là, on n'est plus. D'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que c'est la plus grosse industrie du monde, jeux vidéo. Devant le cinéma, devant le cinéma. Ouais, industrie culturelle, ouais. Industrie culturelle, ouais. Ouais. Et à partir de là, donc, tout commence à changer. Après, c'est peut-être. Est-ce que c'est depuis l'avènement? Non, même pas, parce que j'allais dire depuis l'avènement du CD qui fait qu'on a des orchestres, tout non, ça. Mais, ouais, mais en fait, c'est beaucoup de Mario, oui. Zelda, qui est oui. beaucoup joué aussi. Oui. Il paraît de Sonic, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais la Mega Drive aussi avait été reconnue pour avoir un son dégueulasse par rapport à Super Nintendo. Mais je trouve que les compos de la Mega Drive, et notamment grâce aux basses qu'avait pas la Nintendo, ben, il y avait des super trucs, quoi. Ouais. Sur les Sonic, les trois premiers Sonic, il y avait des Sonic. Super compos avec des grosses basses méga groovy. Ouais. Et justement, tu parlais de trucs très disco, mais est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir une basse limitée qui fait que t'es obligé d'en faire des caisses et qui donne ce truc très groovy, très oui, disco, d'avoir des lignes de basse un peu élaborées. C'est possible, je sais pas trop, ouais, c'est possible. Parce que c'est vrai que dès qu'on fait un truc un peu, une ligne de basse un peu élaborée, en étant un peu joyeux, parce que c'est un jeu vidéo fun, Sonic, Mario, tout ça, très vite c'est très groovy, très vite c'est très disco. Oui, après il y a sûrement ce truc dont tu parlais peut-être d'arpégiation, c'est-à-dire que dans la mesure où on peut pas empiler tant de sons que ça, en fait... Si on veut un élément harmonique un peu complexe, élaboré, qu'on ne peut pas superposer tant de notes que ça, ben, on les fait jouer à la suite et forcément on se retrouve avec pas mal de notes. Quoi. Ça doit être ça, un truc comme ça, je ne sais pas. En préparant l'émission, on se demandait est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que ça existe de faire du jeu vidéo au Pays Basque. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au Pays Basque? J'ai l'impression qu'autour de moi, on n'est pas très nombreux. En tout cas, en soirée, on ne parle pas beaucoup de jeux vidéo. On va parler du dernier film qu'on a vu, on va parler du dernier concert qu'on a vu, du dernier livre. Pas beaucoup du dernier jeu vidéo. Et est-ce que s'il y a une possibilité de créer du jeu vidéo au Pays Basque? Oui, je pense que oui. Et on a même donné la preuve il y a 2 semaines. On a fait une game jam organisée par des... Ah, ça tombe bien, c'était la question d'après. Incroyable. Une game jam de développeurs basques. Organisé par des gens de Bilbao. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une game jam? Une game jam, c'est en gros c'est un marathon de création de jeux vidéo, quoi. En gros, t'as un temps délimité, genre 24 heures, 48 heures. Là, c'était 48 heures, c'était un week-end. Et donc, tu te retrouves en équipe, en petite équipe de 2-3 personnes, et tu crées un jeu vidéo sur un thème qui est donné au début de jam. Et voilà, tu crées un petit jeu vidéo. Et là, en l'occurrence, c'était que des développeurs basques, d'accord, bascophones, qui ont créé leur petit jeu. Donc voilà. Ah, mais vous, développeurs basques, vous avez participé à une game jam internationale ou quelque chose comme ça? Non, c'est une game jam basque. D'accord. Ah, il y a plusieurs équipes. Euskal Game Jam, du coup, c'est organisé par une assoce qui essaye de promouvoir le jeu vidéo en basque ou les traductions de jeux vidéo au moins. Ouais. Pour l'instant, c'est plus des jeux qui sont traduits en basque que des jeux créés par des studios basques. Mais là, c'était organisé par, du coup, une assoce basque qui essaie de promouvoir le jeu en basque. Il y avait combien d'équipes, tu te ferais venir? Le résultat, c'était une dizaine ou une douzaine de jeux. Donc, ouais, il y avait pas mal d'équipes. Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça en solo. Moi, j'ai participé avec un gars qui a grandi au Pays Basque, mais qui est maintenant au Canada, qui bosse au Canada. Donc, j'étais avec lui et un autre copain à lui, qui était lui à Paris. Et donc, on a fait ça à distance. Mais il y en a qui se sont retrouvés là-bas, sur place, à Bilbao, qui ont créé, ces jeux là-bas. Du coup, vous avez fait le jeu à trois, chacun chez vous? Ouais, chacun chez nous, ouais. C'est compliqué, ça. Chacun chez nous. C'est compliqué, mais non, c'est pas plus compliqué que ça. En vrai, créer un jeu vidéo à distance, ça se fait assez facilement. Ouais, c'est l'avantage de ce média-là. Okay. Voilà, mais le jeu vidéo en basque, déjà, il faut... C'est des métiers assez spécifiques et... Il faut une formation très spécifique pour faire ce métier-là. Donc, les écoles, il n'y en a pas tant que ça. Au Pays Basque, je ne sais même pas s'il y en a. Au Pays Basque Sud. Mmh. Voilà. Donc, à partir de là, c'est compliqué d'avoir plusieurs talents dans chaque métier. Graphiste, programmeur, designer sonore, compositeur. Mais c'est possible. Ça se fait. C'est peut-être là écrit que tu devrais t'y mettre. Oui, peut-être. Qu'il y a déjà 48 heures. Peut-être. Hein? Hop, tu dis, écoutez, moi, j'ai jamais fait ça, mais pour 48 heures, je veux bien devenir compositeur de jeux vidéo. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était l'occasion. Occasion ratée. C'était ratée, mais ils vont le refaire. C'est la première année qu'ils font ça, d'accord, et ils vont refaire ça l'année prochaine, à la même période, je pense. Donc, il y aura d'autres occasions. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Bah ouais. C'est cool, ce truc-là. Ouais. Pour finir. Dans la suite de cette question-là, toi, tu travailles, enfin, vous avez monté un studio avec tes camarades de classe. Ouais. C'est quoi le minimum aujourd'hui pour avoir un studio de développeurs? Quelle équipe, quel membre il faut, quel poste? Alors, la base, il faut un game designer, donc c'est celui qui va créer le gameplay, qui va avoir l'idée de base du jeu. Mmh. Donc, un game designer, un graphiste qui va faire tout ce qui est visuel, un programmeur. Obligé, un gars qui va coder, d'accord, qui va créer la structure du jeu, qui va faire fonctionner le jeu, qui va créer les prototypes, etc. Un designer sonore, et ça c'est rarement prioritaire, donc les designers sonores, des fois il n'y en a pas, d'accord, compositeur non plus. C'est être programmeur comme ça qui va... Après si tu veux faire un jeu qui fonctionne un minimum, oui. Je veux un jeu qui puisse sortir, être vendu. Oui, donc on va avoir un designer sonore quand même, et un compositeur. Soit c'est soit la même personne qui va faire le son et la musique, donc pour des petits jeux. J'ai dit quoi ? Programmeur, graphiste, game designer, designer sonore, et peut-être un chef de projet, un gars qui va coordonner un petit peu toute l'équipe. Voilà. Mais nous, on est entre 8 et 10 personnes là. Donc il y a deux programmeurs, souvent deux graphistes, plusieurs game designers aussi. Ouais. À partir de 10, tu commences à avoir une équipe qui peut faire des bons jeux. Ouais. Ok. Ouais. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de l'émission. On va faire juste un petit tour de table pour vos petites actus. Anissé, tu as sorti Pile Up, c'était il y a un an, deux ans ? Ouais, ça va faire deux ans. Deux ans, donc c'est un jeu de plateforme coopérative avec des cartons qui... Exactement, ouais, sur plusieurs comptes, sur Switch, PlayStation 4, PC. Jeu coopératif, ouais. Il faut s'entraider pour évoluer dans les niveaux. Donc Pile Up, ouais. Pilup. Pilup, exactement. Pilup. Ouais, ouais. Et avec le même studio, on va sortir Baladin en 2024, mars 2024 normalement. Qui est un jeu plus narratif, qui est inspiré de jeux de rôle de plateau. Okay. Toujours multijoueur, en local ou en ligne. Voilà, on va vivre des petites aventures à plusieurs dans un monde médiéval fantastique. Ok, ouais. Cool. Pareil sur Switch. Sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Ça, c'est ces petits jeux, c'est quoi, 15 mal Ouais, c'est ça, ouais. Pile Up, il me semble que je l'avais acheté 15 euros, je crois, juste comme ça, il y a deux ans. Ouais, Et qui, toi, donc, comme premier album sorti il y a deux ans, trois ans ? Il y a quatre ans déjà. Le temps. Hein. Ouais, c'est terrible. C'est dingue le temps. Ouais. Tu prépares autre chose ? Tu es compositeur, donc tu composes plein de trucs, les commandes, voilà, que tu as, commandes, etc. Ça, ouais. C'est ton métier, compositeur. Ouais, c'est mon métier, ouais. Ouais. Voilà. Et ben là, je prépare. L'album est enregistré. C'est un album qui va sortir en mars. Donc, In Bashioak, c'est un deuxième album où je suis auteur, compositeur, chanteur, aussi interprète donc, sur l'album. Et donc, avec notamment un orchestre qui joue sur l'album, des orchestrations, pas mal d'influences, il me semble, qui viennent du jeu vidéo, mm-hmm. quoi, un peu malgré moi, ça passe par là. Donc il y a ça, et puis voilà, dans l'actualité, après là, bien sûr j'ai des commandes, mais de pièces qui vont sortir plutôt dans un an ou comme ça, un peu plus tard. Quoi. Donc là, la prochaine sortie, mars, avec peut-être un premier clip en février, donc du single. Quoi. J'ai oublié de vous le demander, est-ce que vous auriez des musiques d'un jeu vidéo, plusieurs jeux vidéo en particulier à conseiller aux auditeurs. Alors moi j'avais une petite chanson que j'ai préparée, mais je me suis mal organisé. Voilà, je voulais vous mettre la BO de F-Zero X sur Nintendo 64, parce que c'est une BO très très rock avec des solos guitare à foison, sauf qu'on est sur Nintendo 64, donc c'est des MIDI, donc il n'y a pas de guitare. Et du coup, c'est là qu'on voit qu'en fait c'est le synthé de la Nintendo 64 du coup qui va essayer de recréer. Où ils vont essayer de recréer un son de guitare avec ce truc-là. Alors, c'est pas trop mal réussi, sauf qu'évidemment, il n'y a pas tous les... comment on appelle ça ? Les bends. Les bends, ce genre de truc, des articulations. Donc, ça reste très carré, mais c'est assez rigolo. Après, moi, j'avais, les Sonic. J'aime beaucoup les Sonic. Depuis la 3D, ils mettent beaucoup de musique un peu rock, tout ça. Moi, j'aime bien le rock. Quand ça tabasse, c'est qu'on va vite avec Sonic. Ouais. Doom aussi, voilà. Qu'est-ce que vous auriez, vous, à conseiller ? Un rock comme ça ? Non, forcément un rock, musique de jeu vidéo qui vous a dit putain, ça c'est vraiment cool et que vous écoutez de temps en temps, quoi. Bah alors, moi j'ai plusieurs trucs. Y a Disaster Piece déjà, dont tu parlais là, il y a Hyper Light Drifter, les Final Fantasy bien sûr. J'ai l'impression que ça revient souvent, Final Fantasy. Ouais. Ah oui, ça bloque. Les premiers surtout, quoi. Ouais, jusqu'au 10, pour moi c'est vraiment, tout est vraiment excellent. Il y avait un jeu de rôle aussi sorti par Square Enix, un RPG Chrono Trigger. Ouais. Qui a vraiment une BO fantastique. Était, je crois que les dessins étaient de Kratoriyama, créateur de Dragon Ball. Complet, c'est ça. Et j'ai un autre truc qui me vient en tête là, c'est Baton Kaitos. Ah tiens, oui. Baton Kaitos, qui a des morceaux hyper prog à la guitare électrique de combat qui sont hyper classe. Donc vraiment, d'ailleurs, j'ai des morceaux que j'avais repris avec un groupe de hard rock aussi. Je m'étais amusé à faire les solos, tout ça. C'est sur GameCube, je crois. Ça, c'est sur GameCube. Et puis, bien sûr, je parlais tout à l'heure de Christopher Larkin, donc il y a Hollow Knight. Hollow Knight, qui est un Metroidvania qui est sorti là ces dernières années. Donc ça, c'est un jeu de plateforme en 2D qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Et Metroidvania, ça plateforme. Veut dire que c'est un petit peu labyrinthique, qu'il faut revenir en arrière pour choper les trucs, tout ça, c'est ça le... Voilà, c'est un peu le... Oui, c'est comme Metroid ou Castlevania, en fait, c'est la contraction des deux jeux. Ouais, c'est en 2D comme Mario, donc plateforme, mais il y a tout un aspect action, donc avec des combats, voilà, avec des épées, tout ça. Et la musique, là, elle est vraiment formidable aussi. Donc voilà, c'est un peu mes recommandations. Ouais. Anissé, tu as des choses qui te viennent en tête ? J'ai pas de musique qui me viennent comme ça. C'est tellement varié. Il y a vraiment de tout, quoi. Dans un jeu vidéo, tu peux tout trouver. Il faut bien se dire qu'un jeu vidéo, c'est pas une heure et demie, c'est 10 heures généralement. 10 heures de jeu. Ouais, en plus. Ouais. Souvent 10 heures de musique non-stop. Ouais. Donc en fait, quand on se met, si vous voulez vous écouter des trucs d'ambiance, etc., tapez dans la musique de jeu vidéo parce qu'il y en a pour des millions d'heures, quoi. Bien plus que pour la musique de cinéma finalement. Et puis après, il y a des trucs super expérimentaux sur des petits jeux indé. Il y a vraiment de tout. Là, je pense juste à des trucs que j'ai écoutés récemment. C'est des compiles que tu trouves sur YouTube de morceaux drum and bass. Parce que la drum and bass aussi, c'est un style qui est beaucoup dans les jeux sur PlayStation 1 et tout. Ah ouais, tiens, il y a des compiles de morceaux drum and bass, un truc super énergique sur YouTube que j'écoute des fois. J'ai l'impression que c'est souvent soit c'est méga énergique parce que c'est de l'action donc il faut que ça tabasse, soit c'est des ambiances très très calmes, tu sais, entre deux scènes de combat où t'as les énigmes, où t'as tout ça, et ben c'est hyper calme, un peu mystérieux tout ça. Souvent j'ai l'impression que c'est deux gros pôles qu'il y a dans le jeu vidéo. Les musiques de donjon, il y a des clichés, il y a les musiques de village, les musiques de donjon, comment s'appelle ça, Maxwell qui est un vidéaste sur YouTube qui a créé son groupe et il appelle ça de la Dungeon Synth, qui est très inspiré des jeux de donjons des années 90, où c'est quasiment que des nappes de clavier, hyper lent, avec énormément de reverb. Je crois que sur l'album il l'appelait Reverb, où vraiment t'as que ça. Et du coup, c'est une espèce de style qui est. C'est devenu un style. Qui est hypnotique, quoi. C'est lent et tout ça. Mais du coup, très inspiré par la musique de jeux vidéo, quasiment créé par cette musique de jeux vidéo-là, qui devait être longue, parce que quand t'as quatre accords, vaut mieux que ce soit long vu que tu les boucles, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir ce truc-là aussi. Et donc, du coup, le gameplay du jeu vidéo a fini par créer des styles, quoi. Pas à cause du gameplay ou grâce au gameplay. Donc tu te rappelles d'un nom de playlist comme ça ? Ou juste de drum and bass, Video games, PlayStation. PlayStation, etc. Je sais pas, mais ouais. Je vous remercie en tout cas d'être venu pour discuter jeux vidéo. C'est un truc qui me tient un peu à cœur. Je trouve qu'on en parle pas assez de jeux vidéo. Et voilà, nous autres auditeurs, auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour la pochette, si je dis pas de bêtises. Et voilà, bonne continuation, les copains. Merci. Ciao. Salut.